Au XVIe siècle, au Japon, durant la période Sengoku, fut décidé de bâtir une école, à l'écart des guerres où l'on transmettrait la culture japonaise de génération en génération. Celle-ci évolua à travers les âges jusqu'à devenir, dans les années 2000, Jobar, l'école des otaku. Le monde d'aujourd'hui tourne autour de la culture, représentée par les otaku et enseignée intensément dans quelques écoles spécialisées, la culture japonaise s'est largement diffusée autour du globe depuis les années 50. Si l'Europe de son côté n'a pas réussi à s'imposer avec ses BD files, les États-Unis dominent actuellement le marché avec en première ligne les pro-comics, que les otaku ont en horreur. Au fur et à mesure des années, les otaku ont développé leur amour pour les arts, faisant la fierté des Japonais. Un intellect supérieur leur a permis de maîtriser les technologies de pointe, telles que la robotique, mécanique quantique et autres projecteurs holographiques. Mais leur arrogance et leur excentricité leur a valu une réputation en baisse. N'hésitant jamais à crier leur amour du Japon, en référençant à outrance leurs œuvres ou leurs jeux favoris, transférant leurs esprits dans des machines pour leur sport préféré et incompréhensible, ils se sont également mis à inventer, avec tous ces acquis, des reproductions d'objets et de machines vues dans leurs derniers mangas ou animés à la mode. Tout ça juste pour épater la galerie, mais que d'aucuns pourraient voir comme des armes. Certains otaku n'hésitent pas à modifier leur corps entier afin de devenir des cyborgs, capables également de se transformer en toutes sortes de choses. Et d'autres utilisent un humour parfois douteux et un langage peu approprié pour, disons, les moins de 12 ans. Le pire arriva lorsqu'un otaku ayant très mal tourné sema la terreur un peu partout dans le monde avec des objets technologiques terrifiants. Jusqu'à ce jour où celui dont on n'arrive jamais à prononcer le nom se fit arrêter par un nourrisson. Cet enfant devenu célèbre se nomme Hachi Powa.